Chapitre 15. Zut, zut, zut! Clive Water ne trouvait rien à dire que ce juron, qui avait servi si souvent qu'il ressemblait maintenant à un vieil élastique incapable de réunir ses idées chancelantes. Il plongea dans un fauteuil du lounge du Lido Palace. Le ménage s'était finalement transporté au Lido, et là, douillettement enfoncé dans des coussins de maroquin, ses bonnes grosses lèvres empourprées de malaise et de mauvaise humeur, les veines de ses tempes se gonflaient d'une vaine et impuissante exaspération. « Et puis zut » s'écria-t-il une quatrième fois. Le lounge était vide. C'était l'heure du bain de soleil sur la plage. Personne dans l'hôtel désert et rempli de demi-jour, hormis un petit groupe de liftiers en coutil blanc qui bâillaient près de l'ascenseur et le portier doré sur tranche qui somnolait à son pupitre. En face de Water, Boyne occupait un second fauteuil de maroquin où sa personne fluette avait toutes les peines du monde à s'ancrer solidement. Les lèvres pincées par la tension, il observait son camarade avec le même intérêt qu'il eût apporté à une palabre avec quelque potentat indigène auquel il eût tenté de faire accepter quelque vaste entreprise exigeant d'emprunter le territoire du sudit potentat. Mais avec un roi nègre, un accord est toujours facile. Il ne s'agit que de s'entendre sur une question d'intérêt et de convaincre ce primitif que ce qu'on lui offre vaut quelque chose. On avait beau avoir besoin d'un interprète, on parlait au fond la même langue. En causant avec Water, Boyne avait toujours l'impression de parler une langue étrangère. En apparence, tous deux se servaient du même vocabulaire, mais ce vocabulaire n'avait pas le même sens pour tous les deux. Water pataugeait indéfiniment dans une mer d'incompréhension. « Quand le diable y serait, qui puis-je » répétait-il. Il lui semblait inouï qu'il pût arriver malheur à un homme comme lui, si bien portant et si riche. Ce ne pouvait être qu'une erreur, la négligence de quelques subalternes, comme d'avoir oublié la sonnette d'alarme ou de commander le chauffeur ou de payer l'assurance ou de couper le téléphone à un raseur. Ce ne pouvait être que par une fissure de ce genre dans la solide armure dont il cuirassait son bien-être qu'une tribulation pareille avait pu se glisser. Oh, pouvoir seulement l'attraper, le coquin, le salaud! Ça aurait été déjà un immense soulagement. Le malheur de la situation, c'était précisément qu'il n'y avait pas cette fois de salaud à attraper. « Ce n'est pas que je blâme la petite, » dit-il brusquement en interrogeant ses grosses pattes couvertes de poils blonds, aux ongles vernis, et cornées à large anneau d'or enchâssé d'un saphir brut. Puis, ses yeux se relevèrent vers Boyne, qui, sur le champ, se mit en garde. « Tu comprends, cette affaire d'argent, Judith ne s'est pas doutée un instant. »« Bah !» dit Water, « n'en parlons pas, ces quelques dollars, cela n'a aucune importance. » Ainsi, la question qui, aux yeux de Boyne, était la plus cabreuse, était écartée en un tournement. Boyne avait bien remarqué que le père avait à peine lu la pauvre petite lettre de confession arrachée à sa fille, et qu'il avait empoché les dollars restitués avec autant d'indifférence que s'il s'était agi d'une dette de jeu. Évidemment, au Lido Palace, on jugeait les choses autrement qu'ailleurs. Les valeurs étaient différentes. Ce qui tourmentait Water, c'était l'épouvantable tintouin que lui donnait toute cette affaire, et aussi, soyons justes, un sourd sentiment de remords à l'égard de ses enfants. Je ne me doutais pas que cela leur ferait tant de peine à ces mioches. Ainsi le fit parler l'émotion paternelle. C'était peu, mais c'était sincère. « Ils s'aiment de tout leur petit cœur, » reprenait Boyne. « Ils ne peuvent se passer les uns des autres, ni de toi non plus et de ta femme. Ce qu'il leur faut par-dessus tout, vois-tu, c'est un foyer où ils auraient tous les deux. « Quelle affaire ?» grommelait Water. « Quelle affaire ?» On eût dit que Boyne lui proposait le trône d'Angleterre. Pourquoi parler de choses impossibles ? On a beau être riche, on ne peut pas tout avoir. Il y a des choses qui ne s'achètent pas avec tout l'or du monde, et Water, dépouillé du sentiment robuste de son omnipotence, était plus désarmé qu'un limaçon sorti de sa coquille. « Ah, si on pouvait vivre en paix !» reprit-il, accablé par le poids de son impuissance. « Il suffirait de t'entendre une bonne fois avec Joyce. »« S'entendre avec Joyce ?» fit le pauvre mari avec une dérision amère. « Mais si, c'est très possible. Elle aime ses enfants, toi aussi. Les petits vous adorent. Est-ce qu'il n'y aura pas moyen d'enterrer tout ce mauvais passé et d'arranger vos devis de manière à garder les enfants auprès de vous pour leur donner quelque chose qui ressemble à un foyer, tandis que vous, vous feriez ce qui vous plaît en votre particulier ?» Boyne se sentit les lèvres sèches en émettant ces propositions arides. Water, les coudes sur les genoux, se prit à réfléchir et à considérer ce tableau d'un ménage idéal. « Le diable est que Joyce n'aime rien faire qu'avec éclat, » prononça-t-il enfin sans la moindre ironie. « Mais il y a les enfants. Je suis convaincu qu'elle ne voudrait pas s'en séparer. Ah ça, parbleu, moi non plus. Moi non plus, je n'y consentirai jamais. » Et son poing fermé s'abattit pour ponctuer sa phrase sur la protubérance épaisse du bras de son fauteuil, où il s'enfonça pesamment, comme si ce meuble avait été l'image de la résistance inutile et vaincue de sa femme. « Dieu merci, je suis en mesure de faire mes conditions, » poursuivit Water avec plus de force que de conviction. Boyne se leva très fatigué. Les os lui faisaient mal, comme s'il venait de faire une ascension très dure au-dessus d'un précipice. Il se sentait une vague migraine. « Voyons, Clive, à quoi riment ces menaces? Tu es le maître, qui dit le contraire? Ta femme et toi, vous deux, vous avez la force. Rien ne vous est plus facile que d'anéantir ces petits êtres. Comme tu y vas? « Tu exagères !» protesta l'autre. « Pas le moins du monde. Tiens, regarde cette pauvre Doll Westway. À force d'être renvoyée de Caïphe à Pilate, je connais l'histoire. C'est Judith qui me l'a racontée. Je ne vois pas le rapport. Et qui plus est, je n'admets pas d'être mis dans le même sac avec un individu de l'espèce de Charles Westway. Voyons, mon vieux. Mais il n'y a pas un tribunal au monde qui aurait confié à un pareil voyou la garde de ses enfants. » « Les miens n'auront jamais rien à redouter de moi, et Joyce le sait bien, elle et ses avocats. Je n'en doute pas. Toute la difficulté est que tes enfants ont besoin de Joyce tout autant que de toi. Ce qu'il leur faut, ni elle ni toi ne le pouvaient séparément. C'est de vous deux qu'ils ont besoin. C'est cela, un foyer, être ensemble. » Boyne se tut, ravalant avec nervosité sa propre éloquence. Water lui jeta un regard découragé. « Tu ne veux pas boire quelque chose ? » lança-t-il. Il fit signe à l'un des boys en coutil blanc. Dans les profondeurs désertes du hall, un garçon apparut avec une nappe et un plateau, la voile et le radeau de la méduse. « Par ici !» s'écria fiévreusement Water. Boyne s'attendait à le voir agiter son mouchoir au bout d'un bâton, puis les deux hommes se mirent à boire en silence. Avec Joyce, ce fut moins facile. Elle échappait toujours. C'était toute une affaire de la saisir. Non pas qu'elle évitât son mari, loin de là. Elle ne manquait pas une occasion de discuter avec lui leurs affaires de ménage, ou plutôt de séparation. Et elle s'était jetée au cou de Boyne, du plus loin qu'elle l'avait aperçu, dans une véritable tempête d'inquiétude maternelle au sujet de l'escapade de ses enfants. Mais à peine rassurée sur ce point, elle déclara que c'était bien fait pour son mari, et que cela lui apprendrait. Puis elle courut à un rendez-vous sur la plage, en promettant à Boyne de le voir entre 8 et 9, quand elle reviendrait s'habiller pour dîner. « En attendant, » dit-elle, « Clive s'occupera de vous. » Il était plus près de 9 heures que de 8 quand Boyne l'attrapa enfin dans le couloir qui menait à sa chambre. Elle le fit attendre dans le boudoir pendant qu'elle ôtait son maillot et reparut aussitôt en peignoir dans un nuage de parfum, les yeux brillants, ébouriffés et aussi jeune que sa fille, dans l'animation d'un début d'intrigue amoureuse. Notre héros ne put s'empêcher de se rappeler le mot de son ami Terry. Avec tous ces trucs de médecin d'à présent pour rajeunir les parents. Et force lui fut de convenir que la doyenne de la troupe était encore celle qui faisait le plus d'effet. Elle se jeta sur une chaise longue, les mains croisées derrière la tête, et déclara « C'est vraiment beaucoup de Judith. Elle a fait peur à son père. Cela le fera réfléchir. » Décidément, ce serait plus dur avec elle qu'avec son mari. « Qu'appelez-vous réfléchir ? » ?»« Mais revenir à la raison, me donner les enfants à moi et à Gérard. » Elle ferma les yeux doucement en prononçant Gérard. C'était un geste de Judith, cette manière de couver certaines pensées, certaines images, avec une caresse des paupières. Souvenir affreux. Boyne haïssait chez la mère ce qu'il chérissait chez la fille. « Il n'y a qu'un malheur, Joyce, c'est que les enfants ne l'entendent pas ainsi. Ce qu'il leur faut, ce n'est pas vous, et monsieur n'importe qui. Ce qu'il leur faut, ce sont leurs parents. Clive et moi ?» édifiant spectacle. « Mon Dieu, ils ont passé condamnation là-dessus, Terry tout au moins, et Judith. Et je vous dis qu'ils sont malades d'affection pour vous. Pour les plus jeunes, bien entendu, ce dont ils sentent le besoin, ce n'est pas si compliqué, c'est simplement une bonne tiédeur, un petit nid bien chaud, comme font tous les petits d'animaux. » Elle considérait la nacre de ses ongles comme d'un air d'admirer son indolente beauté. « Vous comprenez ?» insista Boyd. « Ces sautes de température les tuent. »« Qu'entendez-vous par sautes de température ?»« Mais oui, chaque fois qu'il a mal donne, je veux dire chaque fois qu'on les change de beaux-parents. Il en résulte un changement d'atmosphère. Or les jeunes êtres, comme vous savez, ne souffrent pas le changement. Il leur faut l'habitude, la régularité, le retour des mêmes choses, la monotonie, si vous voulez. C'est là leur élément vital. » À sa grande surprise, Joyce abonda dans son sens. Le changement. On ne pouvait lui reprocher d'avoir le goût du changement. Est-ce que ce n'était pas elle qui était revenue à Clive de son propre mouvement? Et pourquoi? Uniquement à cause des enfants. Eh bien, à quoi cela a-t-il servi? À les faire assister à un âge où ils ont de bons yeux, à l'éternelle série des querelles, aux perpétuels désaccords, aux scandales, car je vous dis entre nous que Clive est un homme scandaleux, bref, à ce dont ils n'ont déjà que trop souffert dans leur enfance. Est-ce là ce que vous appelez un élément vital? Pour moi, je me refuse à cette nouvelle expérience. Que les enfants déclarent vouloir vivre chez moi et uniquement avec moi. Clive, dès qu'il sera tombé entre les pattes d'une autre femme, ce qui ne saurait tarder longtemps, ne saura que faire des petits et sera trop content de les savoir en sûreté entre mes mains. Et avez-vous pensé à ceci? Quel bonheur pour Terry d'avoir toujours Gérard près de lui, non plus comme précepteur, mais comme ami, comme compagnon, comme guide, enfin, tout ce que son père n'a jamais été pour lui. Vous avez bien vu comme ce petit s'est pris d'affection pour Gérard. Pour Gérard, cet enfant, c'est une vraie adoration. Je ne vous cache pas, conclut-elle, que c'est une des raisons qui m'ont le plus poussé à prendre le parti de rompre avec Wetter. Elle avait l'élocution plus facile que son mari. C'était un adversaire beaucoup plus redoutable. Elle noyait Boyne sous un flot de verbiage sentimental, et elle avait sur son épouse cet avantage considérable. Elle croyait sincèrement que les enfants seraient heureux avec elle, tandis que Wetter envisageait seulement la question de droit. « Mais quoi, 9 heures passées ? » s'écria-t-elle tout à coup. « Et les Range qui m'attendent à dîner avec le duc, à tout à l'heure. Bien entendu, vous dînez avec nous. Impossible, j'ai promis à Clive. Mais Clive est de la partie. Comment ? Vous ne saviez pas. Il s'est amouraché de Sybille Lulmer. Elle en voulait au duc, et puis, comme elle n'a pas réussi, elle s'est rabattue sur Clive. Une vraie comédie. Ah, il y a des femmes qui ne sont pas dégoûtées. Mais celle-là en a tant fait. Un de plus ou de moins, elle n'y regarde pas de si près. Et Clive a été obligé de se remettre bien avec Zina Wrench, parce que c'était le meilleur moyen pour se rapprocher de Sybille. Alors, vous dînez avec nous, c'est dit. Et Chip, c'est vraiment vrai qu'il va tout à fait bien. Et Terry, c'est votre avis que Cortina lui fera du bien ? Une demi-heure plus tard, Boyne, stoïque et résigné, était à table dans le restaurant bondé du Lido Palace, au-dessus du murmure étoilé de l'Adriatique. Il était entre Zinia Lacrosse et Joyce Wetter, et il avait en face de lui une mince créature qui d'abord le fit penser à Judith. Mêmes yeux étonnés et caressants, même air d'apparition au milieu de l'éclat des lumières. Mais en la voyant de plus près, en la regardant sourire, en l'entendant parler, il eut honte de la comparaison. « Se peut-il que vous ne connaissiez pas Sybille Lulmer ?» lui glissa Joyce à l'oreille à la faveur des saxophones. « Mais voyons, rappelez-vous, Madame Charlie Westway, mais oui, c'était elle. Sa fille s'est tuée l'an passé à Deauville. Ça a été un drame épouvantable. La mère se drogue comme je ne sais quoi. On ne le dirait pas, n'est-ce pas ? Sous cet éclairage, on lui donnerait l'âge de ma fille. Qu'est-ce que vous pensez d'elle ? Je la trouve hideuse, votre amie. Ce n'est pas l'avis des couturiers. Il l'habille gratis. Regardez-la en train de faire de l'œil à Gérard. Cela met mon mari hors de lui. Jolie belle-mère pour mes enfants. Vous comprenez que je me batte pour les garder. Tout alentour, à des tables pareilles, dînaient des copies de Lord Range, de Wetter, du duc et de Gérard, des répétitions de Joyce, de Zinia et de Madame Lulmer. La voilà, pensa Boyne. La beauté standardisée. C'était elle, mécanique, implacable, sans fin et sans plus de sens que les multiplications dans les cauchemars. Toutes les femmes avaient le même âge, le même couturier, les mêmes amants, les mêmes joailliers, les mêmes masseuses. Sortaient manucurées des mains des mêmes docteurs d'académie de beauté. Seulement, les plus vieilles, celles qui ne pouvaient plus faire illusion, portaient des robes plus courtes et montraient des épaules plus nues. Un double jazz noyait les conversations. mais aux gestes et aux lèvres, on pouvait deviner qu'elle disait exactement les mêmes choses que Joyce et ses amis. Ne pas ressembler à tout le monde eût été une inconvenance, et Boyne songeait à l'incurable simplicité des gens de plaisir et des mondains. Au large, le mont Béguin dessinait un triangle de feu et y croisait dans le crépuscule. Une brise, venue avec la nuit, chassait le reflet de ses feux vers la plage sur une multitude de petites vagues pressées. Mais aucun des dîneurs ne regardait la mer, parce que ce n'était pas l'heure de s'y intéresser. Une idée? Si nous allions finir nos cigares sur le bateau, prononça Water, qui voulait faire admirer son nouveau joujou. Les convives, fatigués de leur journée d'oisiveté et suivant la ligne de moindre résistance, descendirent à l'embarcadère où le canot attendait dans l'ombre et mêlait la lueur de ses cuivres au reflet des étoiles. Water prit le bras de Boyne. « Demain matin, sans faute, mon vieux, on videra cette question des enfants. »